Premier pas dans la vie active. Faustine a croisé une fille de son âge dans l'escalier. Elle s'appelle Nadia et vit seule avec son père à l'étage en dessous. Ce dernier est concierge dans la résidence voisine. La maman de Nadia est décédée quelques années plus tôt. Sa nouvelle amie confie à Faustine que le décès est dû à l'explosion d'une marmite à vapeur. La jeune fille en est bouleversée. Elle hésitera longtemps avant de s'acheter un autocuiseur. Maintenant que Faustine gagne sa vie, elle compte bien réaliser certains de ses rêves, l'un d'eux étant l'acquisition d'un lecteur de cassettes. Maman a proposé d'impliquer tonton Valti, électricien à Bâle, afin qu'il lui trouve une bonne occasion. Quelques semaines plus tard, l'appareil est livré. Aux anges, Faustine paye les 100 francs exigés sans sourciller. Elle n'a jamais rien possédé d'aussi précieux. Après avoir inséré une cassette vierge dans son nouveau jouet, elle part en vadrouille avec Nadia. Dès lors, les adolescentes se transforment en espionnes. Cachant l'appareil au fond d'un grand sac, elles interrogent et enregistrent tous les passants qu'elles rencontrent. C'est amusant, au début, le temps de voir que ça fonctionne. Par la suite, Faustine achètera ponctuellement les cassettes de ses chanteurs préférés. Parmi ceux qu'elle entend à la télévision le dimanche matin, il y a Jacques Brel et Georges Brassens, mais aussi Michel Sardou. Elle adore se passer Zombie Dupont en boucle. Ou encore Serge Lama. Dès qu'elle est seule dans sa chambre, elle fredonne « Superman, je suis malade, les glycines !» Discrètement, bien entendu. Papa, à plus de 50 ans, en est resté à Pauline Carton, beuglant sous les palétuviers roses. Il ne supporte pas les petits chanteurs à la mode et s'insurge bruyamment contre l'arrosage systématique à la radio de ceux qu'il nomme les crétins décérébrés. À l'atelier, maman et Faustine écoutent souvent France Culture, mais aussi FIP ou des cassettes de Louis Armstrong, Glenn Miller et Ella Fitzgerald. Parfois, maman pose l'ouverture de Guillaume Tell sur la platine afin d'encourager les troupes. Faustine adore. Ça, c'est de la culture. Faustine travaille à l'atelier de 8h du matin à midi, puis de 14 à 18h. Maman exige une discipline à toute épreuve. Pas question de rester au lit sous prétexte qu'on travaille chez soi. Elle a prévenu Faustine qu'elle exigera toujours la meilleure qualité. Que tu sois balayeur ou ingénieur, l'important c'est d'être le meilleur. Elle dit que les clients reconnaissent le travail bien fait, c'est ce qui les fidélise. Maman coupe et coud, Faustine repasse et zigzague. Elles n'ont pas encore de surfileuse. Maman a acheté une presse à repasser qui s'actionne avec le genou. Faustine, assise devant la machine, insère de longues bandes de tissu qu'elle plie en deux au fur et à mesure. Attention de ne pas se prendre la main dans le fer brûlant. Plus tard, elle coud un croquet ou un galon sur la pliure de la bande, puis la garnit d'une mousse d'un demi-centimètre d'épaisseur. Enfin, elle referme le tout au point zigzag. Ensuite, on assemble le fond de la garniture. Deux ronds, ou rectangles ou ovales, de tissu fourré de mousse. Il ne reste plus à maman qu'à ajuster la bande au fond en faisant des plis bien égaux. La fourre s'ouvrira alors comme des pétales autour d'un pistil. Pendant des semaines, Faustine se contente de piquer des bandes et d'y poser le galon avant de s'occuper des fonds. Quand elle sera régulière dans ses gestes, on la laissera passer à la suite. La jeune fille ne déteste pas son travail, bien qu'elle sache déjà qu'elle ne fera pas cela toute sa vie. De temps en temps, derrière leur machine, mère et fille échangent quelques blagues. À côté de chacune est posée une bouteille qu'elle remplit d'eau fraîche, plusieurs fois par jour. À avaler de la poussière de tissu en permanence, elles ne doivent pas oublier de s'hydrater, d'autant que maman fume beaucoup en travaillant. Maman, comme toutes les mamans, a ses défauts. Elle reste malgré tout une incorrigible optimiste. Elle aime rire et s'amuser. Or, quand Faustine est préoccupée ou frustrée, cela se sent très fort. Elle rumine des pensées si sombres qu'elle fait monter la tension et empoisonne en moins de deux le climat de l'atelier. Si Faustine en avait conscience, elle se servirait plus souvent de ce pouvoir. Maman, ne supportant pas ces atmosphères négatives, expliquera à sa fille autant de fois que nécessaire que dans le monde du travail, on est supposé laisser ses ennuis et ses états d'âme au vestiaire. Personne n'aime les géniards, et Faustine, gâtée comme elle l'est, avec de quoi se nourrir, se vêtir, se distraire même, n'a vraiment, mais vraiment aucune raison de se plaindre. Ébla, ébla, ébla, elle ne va pas me resservir la petite fourmi insignifiante perdue dans la stratosphère, pense l'adolescente, qui n'écoute déjà plus. Faustine s'évade mentalement dans son bus Volkswagen imaginaire. Son grand rêve, bourlinguer autour du monde en gagnant sa vie sur la route. Par quoi commencerait-elle? Ah oui, tout d'abord, cap sur l'Italie. Traverser la plaine du Pô, la Toscane, Pise, Rome, Naples et son Vésuve, la Sicile d'où elle embarquera pour la Tunisie. Depuis Tunis, on tourne à gauche, on sillonne la Libye, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie. On arrive en Turquie. De là, sauter dans un paquebot à destination de la Grèce. Elle y travaillera dans les vignes. Mais auparavant, elle aura cueilli des olives, des pêches et des abricots, aidé à creuser un puits, visité un kibboutz et mis des briques à sécher au soleil. Faustine rêve, retrouve sa bonne humeur et ne s'est pas rendu compte qu'elle a cousu 5 mètres de bande sans fil dans sa canette. Lassée, maman lui dit d'aller se promener. Dans cet état, elle ne lui sert à rien. Demain, il y a école, il faut que la jeune fille soit en forme. Les apprentis coiffeuses et couturières d'Antibes et des environs, dont Faustine fait partie, reçoivent leur cours théorique dans un collège situé sur les hauteurs de la ville. Ces cours ont lieu un jour par semaine pendant 2 ans pour un CAP, en général le jeudi quand les autres élèves ont congé. Certaines camarades de Faustine viennent avec leur propre voiture. Elles ont des parents nantis et un salon de coiffure à reprendre. Ici, Faustine ne se fait aucune amie, mais pas d'ennemie non plus. Avec ses petites robes et ses soquettes, son allure inoffensive de gamine de 14 ans, bien qu'elle en ait 16, elle n'a juste pas le bon profil. Ces jeunes filles du Sud, mûres à point, maquillées à outrance, sont nubiles depuis bien plus longtemps qu'elle. Elles se vantent de connaître les derniers tubes de l'été, les détails de la vie privée des célébrités en vogue et n'ont pas du tout les mêmes intérêts que l'étrangère venue du Nord, qui grandit en prenant son temps. Leur regard changera en fin d'année, quand l'innocente Faustine demandera naïvement à la chef de meute quelques conseils avisés pour choisir entre ses 3 amoureux du moment. Chaque jeudi matin, donc, Faustine monte par le bus jusqu'à Antibes, et traverse à pied la place du marché. Elle adore l'ambiance qui y règne, les cris des marchands, les sifflets sur son passage de nymphette de 16 ans. Elle sourit en dedans. Les couleurs, les odeurs. Elle s'achète des fraises ou des pêches qu'elle lave à la Bornefontaine, s'offre un morceau de pain, quelques tranches de salami, un bout de fromage, puis emprunte le raidillon qui mène à son école. À midi, elle ne rentrera pas. Elle restera sur un banc à l'ombre d'un mimosa rabougri dans la cour du collège et lira son livre en grignotant. En tout, elles sont une bonne 20aine d'apprentis cette année. Leur prof est super sympa. Elle fait de la peinture naïve pendant son temps libre. Elle travaille en alternance avec un autre prof, mâle celui-là, qui étudie et pratique en dilettante quand il ne professe pas la physiothérapie et les médecines parallèles. Pendant la période d'adaptation, la jeune fille suit studieusement tous les cours. Elle écoute et fait les exercices. Rapidement, elle s'ennuie. Alors, elle s'installe dans le fond de la classe et une fois les travaux du jour effectués, elle met son livre sur ses genoux, laisse passer le temps. Patience, demain c'est vendredi, presque le week-end. Samedi soir, elle ira danser à la maison des jeunes.